Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Che Guevara, icône de la pensée révolutionnaire au 20e siècle. Cuba est un pays où presque toute l'industrie, toute la technique et toute la technologie dépendait des États-Unis et des usines des États-Unis. Et changer tout ça, c'est une chose assez difficile. Ernesto Guevara, le Che, expliquant en français, s'il vous plaît, l'impact de l'embargo américain sur Cuba dans une entrevue accordée à la radio-télévision suisse en 1964, probablement l'une des très rares entrevues accordées par le Che en français. Guevara est à ce moment-là ministre de l'Industrie dans le gouvernement Castro. Che Guevara sera le compagnon d'armes de Fidel Castro dans cette révolution cubaine de 1959. Il tentera plus tard d'exporter la révolution au Congo, puis en Bolivie, la Bolivie où il sera assassiné en 1967 à l'âge de 39 ans. Mais le Che reste d'abord et avant tout l'une des grandes figures révolutionnaires du 20e siècle. Andy Warhol fera son portrait. Le magazine Times le classera parmi les 100 personnalités les plus importantes du 20e siècle. Et Jean-Paul Sartre dira de lui qu'il est l'être humain le plus complet de son époque. L'image du Che reste, encore aujourd'hui, l'une des images fortes de la pensée révolutionnaire. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Le Che, c'est le symbole des années 60. En fait, c'est le seul symbole qui est à la fois universel, pas uniquement européen ou américain ou latino. Deuxièmement, c'est le seul symbole qui est aussi multigénérationnel, c'est-à-dire qui est aussi pertinent pour les générations actuelles que pour celles qui avaient 20 ans en 1968. Jorge Castaneda, biographe du Che, de Che Guevara, sur cette musique que vous reconnaissez peut-être de Carlos Puebla, sorte d'hymne à la gloire du Che, pour faire l'histoire de Che Guevara. Jean-Michel Leprince est avec nous. Jean-Michel, bonjour. Bonjour, Jacques. Vous êtes correspondant de Radio-Canada donc pour l'Amérique latine. Vous avez couvert beaucoup ce continent, mais aussi, puis on en parlera au cours de l'émission, les circonstances qui restent encore floues de la mort de Che Guevara. On l'entendait dans cet extrait qu'on vient de diffuser du biographe de Che Guevara. C'est vraiment un symbole, une grande image, l'image de la pensée révolutionnaire du 20e siècle. C'est encore celle de Che Guevara, plus que celle de Castro, par ailleurs. Pourquoi, Jean-Michel? Ben parce que il est mort jeune, 39 ans. Il est mort de façon héroïque. Il a encore 39 ans. Bataille, il a 39 ans pour toujours. Ouais. Il est mort. Bon, vous avez cette chanson qui est magnifique, qui perpétue encore son souvenir. C'est la favorite des touristes. Vous avez cette photo de Corda qui l'immortalise et qu'on retrouve partout sur les t-shirts. Mais surtout cette mort absolument extraordinaire. Il a été exécuté par l'armée bolivienne parce qu'on voulait pas en faire un martyr. Il y a eu un procès en Bolivie avant de régime. Debré, qui était avec lui dans la guérilla, et ça, c'était un cirque médiatique. Et les Boliviens, la CIA américaine ne voulait pas de ça, donc on a décidé de l'exécuter et après ça de le faire disparaître. Mais avant de le faire disparaître, son corps a été exposé dans le lavoir de l'hôpital de Valle Grande, les Andes, le butoir des Andes en Bolivie. Il y avait à ses côtés par terre deux autres guérilleros, et lui était étendu. Et c'était 24 heures après sa mort, il avait les yeux ouverts, les yeux avaient changé de couleur, ils étaient bleus alors qu'ils étaient plutôt foncés, il avait les cheveux longs, il avait été lavé, alors quand il a été capturé, il était dans un état absolument lamentable, et les gens ont défilé, on voit, les militaires ont défilé autour du cadavre pour le toucher, on envoie un officier qui touche les cheveux, on pense que des gens ont prélevé des morceaux de ses vêtements, de son pantalon, on a prélevé des cheveux aussi pour en garder des souvenirs, donc et ça a fasciné tout le monde cette vidéo. Après ça, on a fait disparaître le corps, mais c'était trop tard. C'est resté cet endroit en Bolivie, devenu une sorte de lieu de pèlerinage. Et une espèce d'image qu'on a beaucoup comparée à celle du Christ, carrément. Exactement. Et c'est ce que les gens qui étaient là à ce moment-là, l'infirmière qui a lavé son corps nous a dit, il ressemblait au Christ, c'était le Christ. Son regard nous suivait quand on se déplaçait. Il fait des miracles, c'est un saint. Ouais. Et j'ai rencontré plusieurs personnes qui l'ont côtoyé dans ces derniers jours et qui pensent qu'effectivement, il a des pouvoirs surnaturels de les aider. Et puis cette photo, vous l'avez évoquée, mais qui contribue aussi à la légende, et c'est ce qui reste de Duce. C'est encore, elle est vendue encore aujourd'hui, cette photo, cette fameuse photo d'Alberto Korda. Oui, qu'il l'a fait tout à fait par hasard. C'était au moment de la cérémonie après l'explosion, le sabotage du vaisseau français, la Coubre. C'était au début de la guerre froide, juste après la Révolution. On a soupçonné les Américains de l'avoir fait sauter. Ça fait beaucoup de morts. Et Korda s'en souvient. Il a dit, il avait l'air furieux, il avait l'air farouche. Et j'ai pris la photo à tout hasard. J'ai pris deux clichés. J'ai pas eu le temps de faire la mise au point. Il était un peu flou. Mais bon, le journal en a pas voulu. Et puis, là-dessus, l'éditeur italien, à l'été 67, il débarque dans son studio. Il s'appelle Gian Giacomo Feltrinelli. Il trouve cette photo. Et le jour de la mort de Che Guevara, elle est publiée. Des millions d'exemplaires. Korda n'a jamais touché un sou de droit d'auteur. Celle avec le bonnet. Celle que vous connaissez, en fait. Celle que tout le monde connaît, voilà. Avec ce regard légèrement vers le ciel, un air effectivement farouche. Alors faisons un grand bond en arrière, Jean-Michel, pour parler des origines. Il est argentin. Oui. Qui est-il, le jeune Che, celui qui deviendra ce révolutionnaire? Oui, fils d'un couple de classe moyenne, argentin. Son père, une origine un petit peu espagnole, anglaise aussi. Ils ont vécu surtout à Rosario, là où il est né, Cordoba, là où il était élevé en Argentine. Et puis, il a fait une jeunesse tout à fait normale. Un problème de santé dès son jeune âge, 2 ans, de l'asthme. Mmh. Il a été très, très affecté. Et toute sa vie, il a dû lutter contre cet asthme. Et ça a forgé son caractère. Et ça a aussi eu beaucoup de conséquences sur son entourage, sur tout le monde. Et donc, il a fait les études. Il veut être ingénieur. Et là, il a rencontré une jeune fille qui faisait partie des jeunesses communistes argentines. Donc, ça lui a déjà donné des idées de justice sociale. L'Argentine, à l'époque, était péroniste. Ses parents étaient anti-péronistes. Populisme de gauche, on sait pas trop. Et puis, il a commencé à voyager dans les pays voisins, au Chili, en Bolivie, je pense, Colombie. Ça lui a donné d'autres idées de le sort des populations indigènes dans ces pays-là l'a beaucoup touché. Donc ça l'a déjà marqué. Il est revenu de ses voyages en disant qu'il voulait être médecin. Il a commencé les études de médecine qu'il a fini. Il a été diplômé en médecine. Et puis petite parenthèse, on l'entendait. Moi j'étais très très étonné. Je le disais au début de l'émission, l'une des très rares entrevues qu'il va donner en français, celle qu'on a entendue là. Avec les collègues de la Suisse. Il parle français, donc. Oui, il l'a appris à l'Alliance française de Cordoba. Et anecdote intéressante, quand la Révolution 59-60 a fermé toutes les institutions étrangères, culturelles ou autres, l'Alliance française à Cuba, qui était très présente, a été fermée aussi. Et là, Che Guevara a rencontré l'ambassadeur de France et qui l'a félicité pour la qualité de son français. Il lui a demandé où il l'avait appris, à l'Alliance française de Cordoba. Ceci dit, Monsieur Guevara, je ne sais pas comment il l'a appelé, l'Alliance française, vous l'avez fermée ici. Oui. Alors, on dit, comment se fait-il, etc. Donc, le Che Guevara a fait réouvrir l'Alliance française. Donc, c'est la seule institution étrangère qui est restée. Maintenant, il y a 3 alliances françaises à La Havane et il y en a une à Santiago et c'est florissant. Et le voyage, on y revient, ce fameux voyage dont vous nous parliez, ces voyages qui sont très, très importants, dont ce fameux voyage de 51 qui donnera ce film que vous connaissez probablement, Carnet de voyage de Walter Salles, réalisé en 2004. Le plan, parcourir 8000 km en 4 mois. L'objectif, explorer le continent latino-américain qu'on ne connaît qu'à travers les livres. Le pilote, Alberto Granado. Le copilote, ce sera moi, Ernesto Guevara de la Serna. L'équipement, une Norton 500 modèle 39, tout déglingué. Parfait. Soit t'as qu'à continuer jusqu'au Venezuela à pied. À mesure que nous avancions dans la cordillère, nous rencontrions de plus en plus d'Indiens qui n'avaient même plus de toit sur ce qui fut jadis leurs terres ancestrales. Nous formons une seule race métisse, du Mexique jusqu'au détroit de Magellan. Il faut lutter pour chaque bouffée d'air. voyez la mort au diable. Moi, je ne suis plus moi. Du moins, je ne suis plus le même qu'avant. Moi, je ne suis plus moi, du moins, je ne suis plus le même qu'avant, dit cette bande-annonce de Carnet de voyage, Jean-Michel Leprince. C'est vrai que ce voyage-là, déjà les voyages précédents qu'il a fait, mais celui-là, il sera vraiment très, très important dans la pensée, dans la formation de la pensée de Che Guevara. Oui, et dans ces carnets de voyage en moto, on voit qu'il termine dans une léproserie. Il aide comme bénévole, il travaille dans une léproserie. Donc, je pense que c'est après qu'il décide de terminer ses études de médecine. Et là, il repart en Amérique latine. Dans plusieurs autres pays pour atterrir finalement au Guatemala qui a élu un gouvernement démocratique de gauche, de Jacobo Arbenz. Parce qu'en 51-52, au fond, c'est la théorie de la révolution là qu'il va se préciser dans sa tête. Puis ensuite, ce voyage de 53 au Guatemala, c'est le choc de la réalité. Oui, absolument, parce que s'il y a eu un coup d'État organisé par la CIA et la United Fruit. Bon, le Guatemala, c'était une république de bananes, littéralement. Et Jacobo Arbenz a été putché, littéralement a dû fuir, a quitté le pouvoir et c'est là que Che Guevara lui aussi travaillait pour le gouvernement de Jacobo Arbenz, lui aussi a dû quitter le Guatemala pour partir justement au Mexique. Donc il s'est réfugié à Mexico. Et c'est là, à Mexico, où il fait cette rencontre avec Fidel Castro. Dans quelles circonstances? Alors, Fidel Castro, lui, est exilé au Mexique avec son frère Raoul et d'autres. Ça va former le noyau de ceux qui ont débarqué sur le Granma à Cuba pour commencer la révolution. Il faut savoir que Castro, en 53, s'est attaqué à la caserne de la Moncada à Santiago. Ça a été un échec total. Il a fait 2 ans de prison, il a été condamné à 15, mais il a fait 2 ans de prison parce qu'il était amnistié par Batista, le président Batista. Sauf que là, il a dû quitter le pays et c'est là qu'il a commencé à organiser son débarquement, sa révolution à partir de Mexico. Il est tombé par des amis communs parce que aussi le Che avait rencontré déjà avant des Cubains en exil au Guatemala, mais aussi à Mexico. Et ils se sont rencontrés grâce à des amis communs. Et ça a été une rencontre un peu fortuite, mais c'est une des clés de la révolution cubaine. Les deux hommes ensemble ont fait la révolution. Sans Guevara, ce n'aurait pas été la même révolution. Ouais. Il a joué un rôle très, très important dans la guerre de guérilla dans la Sierra Maestra. Ça, on va y revenir, mais sur cette relation-là, le biographe du Che, Jorge Castaneda, dans une entrevue qu'il vous accordait d'ailleurs en 1997, il parle bien de cette espèce de complémentarité. Sans Fidel Castro, le Che n'aurait pas été le Che. Je crois que ça aurait été quand même un grand homme. Mais c'est la rencontre avec Fidel qui vraiment est déterminante. Le Che trouve chez Fidel l'homme d'action par excellence et l'homme qui peut convaincre les autres. Et Fidel va trouver dans le Che pas un intellect, c'est pas vrai. Pas un théoricien marxiste, toutes ces histoires que Fidel a inventées plus tard, en fait, ne sont pas vraies. Mais il trouve chez Ernesto Guevara un sens de l'ordre, de la responsabilité, de l'organisation, qui, pour toutes sortes de raisons, manquait à ses amis cubains. Alors, Jean-Michel Leprince, que s'apporteront-ils l'un l'autre? Écoutez, intellectuellement, il n'a peut-être pas, comme le dit Jorge Castaneda, la capacité intellectuelle de Fidel Castro, mais c'est pas la même. En février dernier, j'ai fait une entrevue avec sa fille, Aleidita, qui dit Castro et Che étaient des égaux intellectuels. Ils étaient, c'est probablement la seule personne, le Che, qui était capable de discuter pendant des heures, de tenir tête, d'affronter Castro, sans que l'autre se fâche, ou en tout cas le prenne au sérieux, respecte ce qu'il a à dire, tout en reconnaissant que Fidel Castro, c'était le patron. Puis ouais. Là, ça n'a jamais été remis en question. Toute sa vie, c'est le chef, c'est le boss. Mais Che Guevara était capable de le confronter, d'essayer de le convaincre, et c'était un personnage d'une franchise absolument totale. Avec lui, vous aviez la vérité, point. Aleidita nous disait, d'ailleurs, il a fallu sortir de prison au Mexique parce qu'il criait partout qu'il était communiste. C'était pas un bon moment. Il était des fois difficile à contrôler, y compris par Fidel Castro. Ouais. On imagine ce que ça a dû être quand même, ces grandes discussions. Mmh. Ils seront compagnons d'armes dans la Sierra Maestra à Cuba. Quel rôle il va jouer, Ernesto Guevara, dans cette bataille et puis dans pendant cette révolution cubaine. Ça a été probablement un grand guerrier. Il a appris sur le tas, c'est sûr. On a parlé de son asthme plutôt. Pour lutter contre cette maladie, il s'est durci lui-même. Il a tout fait pour se durcir. Et on racontait que à Mexico, il faisait des marches forcées extrêmement longues. Ils escaladaient le volcan, le Popocatépetl, qui est extrêmement dur. C'est une épreuve assez difficile. Et il faisait souffrir tout le monde en même temps. Tout le monde marchait à la dure avec Che Guevara parce que lui-même était dur. Et il l'était dans le combat, il l'était aussi la façon de gérer les hommes. Il était, disons, juste, mais il pouvait être impitoyable aussi, ouais. Dans les cas de traîtrise ou de doute de loyauté, probablement plus impitoyable que Fidel Castro lui-même. C'est comme si vous lisiez dans mes pensées, parce que justement, l'écrivain Carlos Maria Gutiérrez nous parle de ce côté-là, puis on revient en discutant ensemble, Jean-Michel, parce que très dur, la loyauté, c'est intouchable pour lui, intolérance complète au mensonge, en même temps une forme d'humanisme, si. De douceur, dit même Carlos Maria Gutiérrez. Oui. Et surtout, il était profondément humain, profondément douce, souple dans les traites privées, mais dans les combats, dans la tâche quotidienne de la guerre. Il était, je ne dis pas dur, il était très austère, très sèche, très courageux aussi, non? Mais il exigeait des soldats le maximum. Il était très cartésien, je peux dire. Et son honneur, c'est l'honneur de la vérité, surtout. Il était un ennemi enragé de la mensonge. Il exigeait de ses hommes la vérité dans tous les cas. Vous savez ce qui me frappe, je réécoute en fait cet extrait que j'avais entendu pour préparer l'émission de Carlos Maria Gutiérrez. Ce qui me frappe, c'est que tout ce qu'il décrit, c'est la figure de l'idéaliste au fond. Oui, tout à fait, un idéaliste, un chevalier, lui-même se compare à un condottiere italien de l'ancien temps. Il faut dire aussi que il a commencé dans la guérilla comme médecin, il a soigné tout le monde. Puis petit à petit, il est devenu combattant et ça a été un héros de la Révolution, un commandant de la Révolution, est un étranger argentin, commandant de la Révolution, fait cubain. Ensuite, après la Révolution, la victoire de Santa Clara, la prise de Santa Clara, c'est lui. Il faut dire que contrairement à l'armée de Batista qui exécutait et torturait les guérilleros ou les paysans qui étaient soupçonnés de collaborer avec la guérilla, étaient torturés et exécutés impitoyablement, les guérilleros, les barbudos de Fidel Castro et Che Guevara n'ont jamais exécuté les prisonniers, ils les ont renvoyés, les officiers même pouvaient garder leurs armes. Les paysans étaient bien traités, on payait les paysans pour ce que on leur prenait comme nourriture. C'est d'une façon humaine, c'était du jamais vu pour une guérilla. Ils la gagneront cette fameuse bataille, Guevara et Castro, ce sera cette révolution de 59, puis Che Guevara fera partie de ce Cuba révolutionnaire de Castro. Mmh. Qu'est-ce qu'il y fera? Alors, ça correspond plus tellement au personnage. Hein. Il devient président de la Banque centrale. Il devient ministre de l'Industrie. Et là, lui, il s'affirme, on le voit comme un communiste pur et dur. Il entrevoit la création de l'homme nouveau. Les questions de salaire et de travail, ça ne doit pas exister. On doit travailler au maximum pour la révolution, pour le bien de tous. C'est vraiment un pur et dur. Alors que très vite, Fidel Castro lui commence à naviguer avec les alliances politiques, ouais. Notamment les communistes, et évidemment s'affronte tout de suite aux États-Unis. C'est là que ça a commencé à diverger. Visiblement, Che Guevara n'avait pas sa place dans ce gouvernement de compromis, ouais. de Fidel Castro. Qui se rapproche des soviétiques. Alors au début, c'est lui qui est un petit peu l'artisan du rapprochement avec les soviétiques pour attirer l'aide soviétique, pour se protéger d'une invasion américaine. Après la baie des cochons, on a toujours craint une invasion américaine. C'est là que les armes soviétiques ont commencé à arriver, l'aide soviétique. Che Guevara était là-dedans. Mais après la crise des missiles en 62, ça a changé. Ouais. Fidel Castro a dû faire beaucoup de concessions aux soviétiques pour avoir leur appui. Et Che Guevara n'a pas aimé ça. On parlait de sa franchise, son honnêteté tout à l'heure. Il a souvent décrit le régime soviétique comme un régime hypocrite. écrite. Ouais. Impérialiste aussi, un fameux discours à Alger qu'il a prononcé. Et là, ça ne marchait plus avec la politique pragmatique de Fidel Castro. Et quand il part, d'abord au Congo, pour essayer de faire la révolution, il claque la porte? Comment ça se passe avec Castro? Il claque pas la porte, il a écrit une magnifique lettre d'adieu, où il dit « Le seul regret que j'ai, c'est d'avoir douté de toi au début, mais bon, je resterai fidèle à tout ce qu'on a fait ensemble, et mon dernier souvenir, ce sera pour toi. » Alors, toutes les lettres d'adieu qu'il a faites à ses parents, à ses enfants, c'est écrit comme si il allait disparaître bientôt, comme si c'était la dernière lettre qu'ils allaient recevoir. Et là, il disparaît de façon un petit peu mystérieuse. Il change complètement d'apparence. Il y a très peu de documents là-dessus. Il y a quelques photos où on le voit avec des lunettes chauves pratiquement. Il s'en va au Congo, Congo ex-belge, Léopoldville à l'époque, Kinshasa maintenant, pour aider Laurent Kabila, qui était déjà dans la guérilla. Puis c'était un fiasco total, ça allait nulle part, manque d'organisation. Il est revenu à Cuba. Puis là aussi, il a disparu. Il a très peu connu ses enfants. Laïdita nous a dit, mon père, je l'ai pas connu, mais pour moi, mon père, c'est plus Fidel Castro que... Et il est reparti en Bolivie. Avec quel projet pour la Bolivie? Alors, c'est un projet extrêmement bizarre. La Bolivie, parce que c'est près de l'Argentine. Aurait-il voulu organiser une guérilla en Argentine, il serait fait massacrer tout de suite. En Bolivie, il a choisi un endroit impossible. J'y suis allé, j'ai vu, ça tient pas debout. En plus, pourtant, c'est quelqu'un qui a écrit le manuel de la guerre de guérilla. Bon, quand il avait 3000 militaires au derrière, en Bolivie, avec la CIA derrière, tous ces gens-là avaient lu son manuel de la guerre de guérilla, ils savaient, et ça n'a pas marché. Dans la Sierra Maestra, ce qui a marché, on en a parlé tout à l'heure, c'est que les paysans se sont joints au groupe. Ouais. Fidel Castro a réussi à les attirer et en faire des soldats, et ainsi de suite. C'est Alors, au départ, Che Guevara, lui, c'était son idéal, c'est d'ouvrir un foyer, un focus, un foco de guérilla. Et sauf que dans cette partie de la Bolivie, c'était absolument impossible de convaincre qui que ce soit parmi les paysans de le suivre, et au contraire. Et arrivera donc ce qui devait arriver. Ernesto Che Guevara, théoricien de la révolution en Amérique du Sud et compagnon de Castro à Cuba, est mort en Bolivie au cours d'un combat contre les troupes gouvernementales. Le Che avait été ministre de l'économie à Cuba avant de reprendre le maquis. Donc, le 9 octobre 67, Che Guevara meurt donc en Bolivie. Vous allez retourner, vous, des années plus tard. Il y a tout un flou, il y aura très longtemps tout un flou autour de cette mort. Parce qu'on a fait disparaître le cadavre, on pense qu'il a été brûlé. En 97, mystérieusement, on a trouvé les ossements du Che Guevara. Ils ont été examinés par on ne sait pas trop qui. L'ADN aussi, on ne sait pas trop qui. Ils sont retrouvés à Cuba et ils sont maintenant, ces ossements, dans le mausolée à Santa Clara. Il y a des doutes sur l'authenticité des ossements de Che Guevara, mais il fallait quelque chose pour cet anniversaire en 1998. Parce que c'est un grand héros à Cuba. C'est un grand héros à Cuba. C'est l'exemple. Les enfants dans les écoles disent encore « Nous serons comme le Che ». C'est le héros romantique pour, pas seulement les Cubains, mais une bonne partie de l'humanité, y compris des gens qui n'ont finalement pas beaucoup d'idées de qui était au juste Che Guevara. Jean-Michel Leprince, merci beaucoup. Vous êtes correspondant, je le rappelle, pour l'Amérique latine. Merci Jean-Michel. De rien. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.